côté. Hein. Voilà. Je les ai donnés dans l'ordre, ma grande. Attends. Allez, je recommence. Sur internet. C'est nana, hein. Est-ce que t'as eu peu? Ah. Est-ce que tu peux ouvrir ton ordinateur? Regardez. Tu regardes ça? C'est tout marqué. Normalement, c'est la bonne. Thank you. ça non que je te dis? Première, ouais. Non, mais tu restes sur la première corde. Corde demi. Dièse, t'écoutes? Attends, je vais enlever mes effets. Je vais enlever les effets parce que c'est con. Là, voilà, c'est mieux comme ça. Alors attends, que je vois ce que tu m'écris. Alors, oui, presque. Sol dièse. Fa dièse. Fa. Faire jouer le piano, lui, c'est ce qu'il joue. Hein. Bon. Ouais. Sol dièse, fa dièse, fa. La dièse et ré dièse. T'as entendu? Thank you. c'est bon. by Sharon, Sharon Stone. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.